Et bonjour tout le monde, bienvenue dans été.mp3. Aujourd'hui, on va écouter une chanson composée par John Powell pour le film Dragon sorti en 2010. C'est une chanson qui s'appelle, ou un morceau plutôt, qui s'appelle Forbidden Friendship. Forbidden Friendship, voilà, j'adore ce morceau, c'est composé par John Powell pour le film Dragon, le premier de la trilogie sorti en 2010. Bon, je vous conseille évidemment d'aller voir Dragon, de voir toute la trilogie, voilà, pour moi c'est la meilleure trilogie d'animation qui ait jamais existé, voilà, c'est dit. Et donc cette chanson s'appelle Forbidden Friendship, tirée de la bande originale de ce film-là, et ben, j'adore ce truc. C'est, bon, je vais essayer de pas trop spoiler le film, en gros c'est une histoire d'amitié entre un garçon de une douzaine d'années je crois, viking et un dragon, qui n'ont pas le droit d'être amis parce qu'ils font la guerre ensemble, les dragons et les vikings, et donc là naît une amitié entre les deux, et donc cette chanson-là c'est le moment où ils commencent vraiment à s'apprivoiser, à se connaître, tout ça, très doucement et puis de plus en plus vite. Et je trouve que ben, la musique va à merveille avec ce moment où on comprend d'abord la peur, la méfiance et puis petit à petit la curiosité, enfin l'amitié qui commence à naître entre les deux. En règle générale, de toute façon, la bande originale de tout ce film est assez exceptionnelle. Pour ça, je vous renvoie sur une chaîne YouTube, Clem Tilou, alors Clem comme Clément, Tilou, T-Y, 2-L-O-U. Et regardez ben, les vidéos consacrées à Dragon. Vous comprendrez pourquoi c'est aussi fantastique. Voilà, comment John Powell a créé des thèmes différents pour chaque personnage. Ça, c'est un truc qui se fait assez normalement, mais qu'il arrive, à les mélanger pour créer de nouvelles mélodies, etc. Enfin, il a fait un travail assez exceptionnel. Et puis, ça va très bien le côté féerique du film sorti en 2010. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à regarder ces trois films, à montrer ces trois films aussi à vos enfants, cousins, nièces, je ne sais pas. Et écoutez, surtout, ouais, l'OST entière qui est vraiment, c'est incroyable. Question instrument, bon, c'est que ça reste beaucoup sur du classique, c'est-à-dire une orchestre symphonique. Il y a quand même quelques sonorités qui vont nous rappeler le Nord. Alors, pas forcément les Vikings, il y aura la cornemuse, tout comme ça, donc c'est plus effectivement écossais, mais ça rappelle le Grand Nord, le Grand Froid, tout ça. Parce que ouais, ça se passe vraiment sur des îles dans lesquelles ben, l'hiver, c'est complètement tout est gelé, etc. Et voilà, bon, du coup, vraiment, c'est une petite. Cette bande originale est une petite merveille à classer facilement côté de la bande originale du Seigneur des Anneaux, ou des trucs comme ça, à ce niveau-là, en tout cas. C'était Forbidden Friendship de John Powell pour l'OST, pour la bande originale de Dragon. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio No Culture, on est dans été.mp3. Aujourd'hui, on va écouter Benito Lerchundi avec l'orchestre d'Euskadi, c'est sorti en 98 et ça s'appelle Udazken Koloretan. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta iganauk udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta iganauk Zuaitz biluziaren gerizpean orpondoa orbelaren ilobi horiz eta gorriz denan lokarturik denan lokarturik Eskuratu ostoan, xume bezain ere Hain xoia bere bihotzean Zuaiz guztiaren izkortasunez Hain betean, non erortze honen duintasunak Irikantatzera nadaman bakoitzari. Sonatzaiok kezkaturikote joate askearen oparotasunean, betikotasunaren irrian zirudik, irrian zirudik. Batiguna du kanden borak, bere baitan egositako ametxetaz, isekaz, bailegoan nere baitako ametxetaz, isekaz, bailegoan. Azken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganak hain soilireri otzean, hain xume adiorik gabeko partitzen. Benito Lertxundi et l'orchestre symphonique d'Euskadi avec Udazken Koloretan, qui est donc une de ses chansons, qu'il a composé et chanté dans les années précédentes. Là, c'est sorti en 98, donc une compilation de ses chansons réenregistrées avec l'orchestre symphonique. Orchestre symphonique, du coup, dirigé par Enrique Ugarte. Voilà, et j'ai lu quelque part sur Internet que c'était le premier. Première tentative en tout cas de mélange entre chansons basques et orchestre. Alors j'ai un petit doute là-dessus quand même, je trouve ça bizarre que ça n'ait pas été fait avant 98, mais bon, peut-être, je ne sais pas. Voilà, Udazken Koloretan, littéralement les couleurs dans les couleurs de l'automne. Je vois, les paroles se prêtent encore une fois très très bien à la musique. Il y a cette espèce de spleen, de petite mélancolie un peu douce pendant toute la chanson qui monte petit à petit. Voilà, les chœurs qui se rajoutent, les instruments qui se rajoutent, etc. J'aime beaucoup cette chanson et pourtant elle reste quand même. Ça reste quand même quelque chose d'assez simple. Il me semble que c'est une simple série de quelques accords, 8 accords ou quelque chose comme ça, qui va tourner en boucle en changeant les paroles. Là, du coup, en changeant les instruments, en rajoutant des voix, etc. Mais quelque chose, ouais, qui je trouve qui est très simple, qui marche vraiment très bien. Prenez une guitare chez vous, trouvez les accords sur internet, ça c'est facile, et vous verrez que ça marche très très bien comme ça. Et c'est une des forces, je pense, de ces chansons folk à la base, cette simplicité vraiment d'exécution, et pourtant ça donne des choses vraiment vraiment très très très très très bien. Voilà l'orchestre symphonique d'Euskadi qui ensuite va faire beaucoup de choses. Donc il y aura un concert entier avec Michel Labois dont on a parlé déjà dans cette émission, c'était la toute première chanson qu'on a écoutée donc début juillet. Et dernièrement, il y a quelques années, ils se sont un petit peu chauffés. Il y a eu toute une série de chansons avec Unsa qui marchait moyen, je trouvais, avec Unsa. L'orchestre n'arrivait pas à suivre le côté très dansant, le côté très rythmé de Unsa. Par contre, ça marchait très très bien avec Seamaish, et du coup, la espèce de grandiloquence qu'a Seamaish dans le rock, là, marchait très bien avec la symphonie. Ça se sait que le rock et la symphonie, même le métal, la symphonie, ça marche plutôt bien ensemble. Mais là, du coup, Benito Lerchondi qui nous offre, du coup, apparemment, cette première collaboration entre chanson basque et orchestre symphonique avec Udazken Koloretan. Voilà une chanson que j'aime beaucoup pour sa simplicité, pour ses paroles aussi. Voilà, je vous invite à aller chercher les paroles ou une traduction si vous ne parlez pas basque. C'est sorti en 98, c'était Benito Lerchondi et l'orchestre symphonique d'Euskadi. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio No Culture, on est toujours sur été.mp3. On va écouter aujourd'hui Tokyo Ska Paradise Orchestra, un groupe japonais comme le dit son nom. On va écouter une chanson sortie en 2010 qui s'appelle Wish Upon the Sun, sortie sur Paradise Blue et les bonus, je vous explique ça après. Pick it up. Tokyo Ska Paradise Orchestra, vous l'avez entendu, un groupe de ska complètement fou. Cette chanson-là est sortie en 2010 sur Paradise Blue plus bonus, à savoir que c'est un album sorti un an ou deux ans après Paradise Blue tout court, et cette chanson-là est, fait partie des bonus sortis donc en même temps que la suite de ce CD. Il me semble que l'année suivante ou peut-être quelques années à peine après, ils ont joué à EHS Stage que les Réseaux Sénéan et c'était complètement fou. Voilà, je m'en souviens encore, on était en train de replier la tente à cause de la pluie tout ça, et quand on a commencé à entendre ça, ben on y est allé, il n'y avait personne devant, il pleuvait, et puis en quelques 3-4 chansons peut-être, grand maximum, tout le monde a commencé à s'y intéresser, on est partis tous danser dans la boue, même eux hallucinés je crois, je les vois encore sortir leur appareil photo pour nous prendre en photo dans la boue. Voilà, un groupe avec énormément de membres, alors je crois qu'actuellement ils sont 9, que ça n'a pas bougé depuis un moment, mais ça a beaucoup changé. C'est un groupe qui est né en 89, à part c'est des amis du lycée qui ont créé, des amis de lycée qui ont créé ce groupe-là, et ça a après beaucoup bougé parmi les membres. En même temps, un groupe à 9-10 personnes, ça va, ça vient, c'est assez souvent comme ça. D'ailleurs, peut-être que les dernières déboires de Slipknot peuvent nous le confirmer. Donc cette chanson-là qui arrive 20 ans après la création du groupe. À ce moment-là, donc je vais pas vous faire la liste des musiciens qui y sont, mais on sent quand même un truc, une espèce d'énorme foutoir ultra maîtrisé. Alors cette chanson-là, c'est la toute première que j'ai entendue moi juste avant, quelques semaines avant d'aller les voir justement à Yachiseta. C'est simplement une suite de solo quoi. Finalement, rien de plus simple, et pourtant ça fout une patate monstre avec je sais pas si on peut l'appeler le chanteur, on va dire l'animateur du groupe qui crie entre les phases, et c'est là qu'on voit quand même toute la maîtrise quand les musiciens de chacun de leurs instruments, c'est vraiment tous, évidemment, tous des grosses machines. Alors je vais faire une généralité un peu raciste, mais bon, au Japon c'est quand même souvent le cas, on a souvent l'occasion de voir des énormes machines techniques monter sur scène, mais là pour le coup il y a la technique certes, il y a aussi beaucoup de musicalité, et je vous conseille vraiment d'écouter, vous mettez ça sur Spotify, YouTube, vous mettez là un petit aléatoire et vous écoutez un peu ce qu'ils font, et à chaque fois ils tapent dans l'huile. C'est quand même assez bon. Le groupe s'appelle Tokyo Ska, ils font pas que du ska, ça peut aller du rock jusqu'à pour le coup un ska beaucoup plus cubain, c'est-à-dire beaucoup moins qu'on a l'habitude, un peu plus calme, un peu plus posé, presque de la samba, vous voyez, quelque chose comme ça. Ils ont sorti énormément d'albums, je peux faire la liste, mais il doit y avoir au moins une vingtaine. Ça c'est entre 1 et 2 ans entre chaque album. En plus d'avoir sorti je sais pas combien, une dizaine de live, des DVD, enfin bon, le groupe ne s'arrête jamais. Et en même temps, je me dis qu'à 9, ben il y a toujours quelqu'un pour relancer le projet quelque part, toujours quelqu'un qui reprend la motivation que l'autre a perdu. Voilà, donc Tokyo Ska Paradise Orchestra, pareil, si vous avez l'occasion de les voir en live, je sais pas s'ils sont très connus rencontré, je sais pas trop comment ils étaient arrivés à Chesta, certainement par une tournée, on avait appelé Chesta en disant que ce groupe-là cherchait une date, ils avaient dit oui. Ça arrive parfois comme ça, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette année à Chesta pour Soulfly. Mais voilà, c'était un moment assez fantastique, et pour le coup, putain, c'est quand même des sacrés musiciens quoi, et ça va faire plaisir à tous les gens qui aiment un peu l'aspect technique et tout, ils vont apprécier, tous les gens qui aiment les brass bands, même le jazz, il y a quand même des morceaux assez jazzy et tout. Voilà, donc un groupe assure, Tokyo Ska Paradise Orchestra. Cette chanson là s'appelait Wish Upon the Sun, c'était sur Paradise Blue, sur le bonus de l'album Paradise Blue de 2010. Moi je conseille une chanson qui s'appelle Almighty, qui est sortie je crois en 2020, qui fait très générique d'anime, et en même temps c'est très possible que ce soit un générique de manga, ça m'étonnerait pas. Et voilà, je vous laisse avec ça, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chanson. Vous écoutez été.mp3, l'émission tout l'été sur Radio Culture, dans laquelle vous découvrez, je l'espère, ou redécouvrez une chanson. Aujourd'hui, on va aller dans le Poitou pour écouter un groupe de, comment appeler ça, post-metal, on va dire, ou metal progressif. Bon, je dis metal, en vrai, ceux qui n'aiment pas le metal, restez là, vous allez voir que c'est quand même très léger pour du metal. On va écouter Clone, le groupe Clone avec un K, et la chanson Keystone, sortie en 2019 sur l'album Le Grand Voyage. Keystone de Clone. Thank you. On écoutait Clone, le groupe Clone avec un K, et son album Le Grand Voyage sorti en 2019. Et la chanson s'appelait Keystone, Keystone, c'est-à-dire pierre de clé de pierre, puis comment, je ne sais plus ce que c'est la version française. Je disais le Poitou, pas du tout le Poitou, Poitiers, pardon. C'est un groupe de Poitiers qui a donc sorti cet album-là en 2019. Un album qui est dans la continuité des précédents. ans, mais qui n'a rien à voir avec les premiers. Voilà, je vous le disais, c'était un groupe, un vrai groupe de gros métal, métal progressif quand même. On en a parlé déjà dans cette émission de ce qu'est le métal progressif, mais qui va petit à petit s'orienter vers ce style-là, c'est-à-dire ce que moi j'appelle du post-métal, dans le sens où on sent bien que les membres ont fait du métal, étaient des métalleux avant. Il y a tous ces sons de guitare très vraiment maîtrisés, tous les pédales vraiment vraiment maîtrisés, et ce côté aussi ce côté baraqué, je sais pas comment dire ça, cette assise qui est vraiment cette base qui est vraiment vraiment balèze, et après quelque chose qui va s'ajouter de vraiment plus calme, vraiment plus aérien, et qui du coup est quand même à la portée de toutes les oreilles, mais il y a quand même ce côté, voilà, pour les métalleux comprendront ce que je veux dire, il y a quand même ce côté métal malgré le fait que ce soit pas particulièrement violent. D'ailleurs, voilà, c'est un groupe qui joue Hellfest sans problème, et pourtant, je suis sûr que ma mère pourrait écouter ça sans problème non plus. Ils ont sorti depuis un autre album, il me semble que c'était cette année, j'ai oublié le nom, mais c'est vraiment pour le coup de vraiment dans le même style. Ça ne m'aurait pas choqué que les chansons de cet album et du suivant qui est sorti cette année soient sur le même album, etc. C'est vraiment dans la vraie bonne continuité. Et pour le coup, vous allez voir que c'est quand même un groupe qui a vraiment une formation métal. Donc un chanteur, un batteur, un bassiste, deux guitaristes, et de temps en temps, il me semble qu'il y a un clavier. Là, vous l'avez entendu, il y a des petits violons derrière qui font la petite mélodie à la fin quand ça a vraiment explosé. Ça, il me semble qu'en live, c'est le guitariste qui le fait. Mais il peut y avoir aussi, ils peuvent inviter aussi, t'entends sur scène, différents instrumentistes pour venir les accompagner, rajouter quelque chose. Voilà, un groupe qui a aussi beaucoup changé de membres. Il me semble que le batteur actuel est arrivé il y a quelques années seulement, voire quelques mois peut-être. J'ai plus trop cette notion de temps en tête là. Mais ça a quand même pas mal bougé. Le chanteur est arrivé seulement en 2004. Le groupe avait déjà presque 10 ans. Je crois que le groupe est de 95. Voilà, donc quand même les membres qui ont quand même pas mal bougé pour finalement aboutir à une espèce de base. Il me semble que ce serait plutôt les deux guitaristes, le chanteur. Il me semble que le bassiste et le batteur changent, je ne veux pas dire régulièrement, mais que ça peut arriver que eux changent. Et voilà, si vous avez aimé cette chanson, n'hésitez pas. Voilà, tout l'album Le Grand Voyage, sorti en 2019, est vraiment dans cette lignée-là, assez calme, assez posé, parfois même souvent grandiose. Et ça, c'est vraiment un album qui nous fait, je veux dire, nous faire voyager. Voilà, c'est le nom de l'album en même temps. Et ils ont des visuels aussi très très très très cool. Voilà, le visuel de cet album-là, c'est une espèce de un ouragan vu du dessus. J'ai l'impression que c'est ça, et qui a été dupliqué pour le mettre à l'envers. Au-dessus, avec le soleil en plein milieu qui illumine. L'album suivant, la cover, c'est des nuages en forme d'ours. Alors je ne me souviens plus comment il s'appelle, ce tout dernier album qui vient de sortir. C'est pas très grave. Vous trouverez facilement tout ça en tapant clone, KLONE, sur les internets. Ne vous inquiétez pas. A priori, c'est vraiment le seul groupe qui s'appelle comme ça, étonnamment. Mais vous pourrez les retrouver assez facilement. Clone, c'était donc clone avec Keystone. Et bienvenue, vous êtes toujours sur Radio Non-Culture, vous écoutez été.mp3, l'émission qui vous fait découvrir, j'espère, une fois par jour, du lundi au vendredi, une nouvelle chanson. Retour au Pays Basque, cette fois-ci avec Aosakil Connection. On va écouter une chanson qui est sortie il y a un an, sur l'album Kishulabe, c'est Bechtondo Kawendiosh, c'est Aosakil Connection. Said. Konfinamendua eta konfite kanar. Du hemen gara jan eta edan. Zugarra murdi, altxa ipurdi. Gauri jandea bihar ustelena. Bestondo kauen dios Jasonik da bomberak Usaiona ez dute ban Buzkera bota Ondo koale kutu da Papiepen trebilen Kasuta gero Gero ikusiko Garrasi pitsitsi Tapetxa labuta House Kill Connection avec Bestondo Kauen Josh. C'est sur leur album sorti en 2022, Kishu Labé. Voilà, on les a eus en interview avec Bichente sur la boîte à gants. Vous pouvez les chercher sur le site de radionoculture.wordpress.com pour avoir toute l'interview en deux parties. On a fait ça bien. Voilà, une chanson qui parle de gueule de bois. Et puis toujours avec une petite mise en scène au tout début de la chanson. Ils aiment bien la mise en scène. Mathilde, du coup, le chanteur en particulier, j'ai l'impression que c'est lui qui aime bien la mise en scène. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de les voir en concert, vous verrez qu'ils aiment bien un petit peu la petite théâtralité, voilà, mettre en scène les chansons selon le thème, etc. Musicalement, on peut déjà parler d'influences assez évidentes, j'ai l'impression. The Clash, par exemple, au début, en tout cas, c'est l'impression que moi j'en ai, peut-être qu'ils me contrediront, mais bon, ça m'étonnerait. The Clash, au tout début de la chanson, avec ses deux accords et cette guitare très, très percussive, pas très saturée, mais très très percussive, sur les deux accords, je trouve que ça fait très Clash, et puis après, ça part sur quelque chose d'un peu plus pop punk à la californienne sur le refrain avec quatre accords, une guitare très très ouverte aussi. Et puis j'aime bien la petite ligne de basse qui commence à qui se réveille à peu près au milieu de la chanson comme ça, qui commence à faire un truc vraiment cool. Et puis ouais, c'est vrai que j'avoue que j'aime bien aussi particulièrement ce mixage de basse qui est vraiment vraiment devant et qu'on sent un peu agressif, qui fait bien ressortir cette basse. En même temps, ils ne sont que quatre dans le groupe, dont un chanteur. Donc, une guitare, une basse, une batterie. Ça aurait été dommage de ne pas mettre un peu la basse en avant, surtout que c'est très très bien joué cette basse. On voit que l'instrument est bien maîtrisé. Ça aurait été dommage de ne pas le mettre un peu en avant. Voilà, un album qui est un peu dans cette lignée-là, qui va, comme je disais, des clashs des années 70 jusqu'à quelque chose de plus moderne avec du pop-punk californien, qui va vraiment aller d'un bout à l'autre de ce spectre un peu punk. Et puis une voix qui ne chante pas très bien, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on veut aussi, en même temps qu'on écoute du punk. S'il chantait extrêmement bien, ça aurait été dommage. Non, ce qui est intéressant, c'est surtout les paroles qu'il balance. Voilà, il n'y a aucune limite, il s'en fout complètement. Et puis on peut parler aussi bien de l'aspect politique de la situation au Pays Basque que d'une bonne grosse gueule de bois. Voilà, c'est la bonne ambiance quoi. 2022, sorti ça sur l'album Kishu Labé. Vous pouvez le retrouver partout, il me semble, oui. Voilà, ce premier album pour l'instant de Aosakil Connection. Il me semble qu'il nous avait dit à l'interview qu'il commençait à réfléchir à un second opus. Voilà, si vous voulez en savoir plus, on a fait une bonne grosse interview avec Bichente qui menait tout ça dans la boîte à gants. Voilà, vous n'avez qu'à chercher sur le site, encore une fois, je vous le donne, radionoculture.wordpress.com. Et je vous ai dit aussi que vous pouvez nous écrire si jamais vous avez envie sur radionoculture@gmail.com pour, je sais pas, par exemple, nous donner des idées de chronobio, des idées de chansons, voilà, des commentaires aussi si vous voulez, même si vous pouvez évidemment laisser des commentaires sur radionoculture.wordpress.com. Voilà, j'arrive plus à parler. Sous chaque article que l'on poste, donc sous chaque émission, vous pouvez laisser un petit commentaire et ça, c'est fort sympathique. C'était Bechtondo Kawendiosh de Aosakil Collection.